Mais si vous n'avez pas eu de problème, continuez maintenant avec la prochaine conversation et une bonne idée. En sortant de l'hôtel, tournez à gauche, allez tout droit et prenez la première rue à droite. Et la rue Charlot est la quatrième à gauche. Et c'est à 10 minutes. Je crois. D'accord. En sortant de l'hôtel à gauche, tout droit, et la première rue à droite, et la quatrième à gauche... C'est la rue Charlot. Merci beaucoup. Voulez-vous un plan ? Un plan ? Tenez. Oh, c'est une bonne idée. Merci, monsieur. Yes, thank you. How much ? C'est combien ? Le plan est gratuit, madame. Oui, oh, merci beaucoup. De rien, madame. Oh, excusez-moi. Bonjour, Hôtel des Vosges. Ah, monsieur Robin. Bienvenue à Paris. So, George and Hélène have directions to the bookshop. But what was the good idea? La bonne idée? It was taking the map the receptionist offered. Yes, it's a good idea to accept a map in a strange city, especially if it's... Gratuit. Free.